Tony s'était fait larguer quelques semaines plus tôt. J'avais un peu de peine pour lui. Tony, c'était un chanteur dont le principal moteur d'écriture était les femmes. L'amour qu'il leur portait, mais aussi la haine qu'elles pouvaient lui inspirer. C'est un bon parolier. Un jour, j'avais écrit une nouvelle à propos de la fois où j'avais couché avec sa copine de l'époque. C'était plutôt maladroit de ma part. Ayant pris connaissance de la nouvelle, il m'avait répondu par une diatribe magnifique qui, de bout en bout, me qualifiait de gros connard. J'avais ressenti une grande volupté à l'idée de pouvoir provoquer la verve d'un artiste par le feu de mes mots. Quelques mois plus tard, l'histoire ne valait plus que deux vents, et tandis que ses amis lui tournaient successivement le dos, moi, je restais admiratif de son travail. Le temps a passé. Sa tendance à provoquer et sa manière relativement noueuse d'aimer les femmes ont fait de lui un damné. Moi, je restais dans un coin et j'appréciais son travail. Aujourd'hui, je suis peut-être un des rares qui, depuis le début, écoute, et qui continue d'écouter, toujours, le sourire aux lèvres, les belles paroles d'un damné de plus que j'ai vu éclore et qui n'a, je crois, pas fini de faner.